That's the sound of the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bonjour et bienvenue à toutes et toutes au magazine Libertaire sur Jet FM. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas beaucoup d'habitude dans les médias. C'est tous les mercredis de 12h05 à 13h30 en direct, donc sur Jet FM 91.2 à Nantes et sur jetfm.fr. Et vous pouvez nous contacter donc pendant le direct au 02 28 25 23 88 et à d'autres moments, puisqu'on lit pas nos mails pendant le direct, vous pouvez aussi nous contacter à maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi retrouver tous nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Et aujourd'hui, on va parler de Vincenzo, qui est incarcéré actuellement en France. Et du coup, il est accusé de dévastation et saccage pendant des manifestations en Italie. Mais on reviendra donc dans la deuxième partie de l'émission sur cette affaire. Merci. Et on va aussi parler réforme du chômage. Et bien sûr, on fera les annonces. Et du coup, j'espère que vous êtes bien installés pour nous écouter, parce qu'on va commencer par la réforme du chômage. Commençons par l'historique de cette réforme, histoire de se remettre un petit peu les souvenirs en place. Donc en novembre 2018, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, syndicats et organisations patronales, commençaient des négociations censées aboutir à une nouvelle convention UNEDIC qui devait entrer en vigueur en 2020. Donc la convention UNEDIC, c'est ce qui définit en fait les règles d'indemnisation des demandeurs et demandeuses d'emploi et les règles d'inscription. La consigne de l'État était la suivante: économiser 1 à 1,3 milliard d'euros par an pendant 3 ans. Pour faire ça, l'État donne quelques pistes, notamment celle de revoir les règles concernant le complément temps partiel ou celles relatives au changement des droits. D'autres règles comme inciter les employeurs à réorganiser le travail dans leur entreprise en cas de baisse d'activité ou encore renforcer le contrôle des chômeurs et des chômeuses. Le gouvernement donne alors 4 mois au patronat et aux syndicats pour se mettre d'accord. Évidemment, ceux-ci n'arrivent pas à se mettre d'accord et c'est sans surprise que le gouvernement reprend la main. Donc en juin, le gouvernement reprend la main et dévoile son projet et dès juillet, le décret fixant les nouvelles règles d'indemnisation paraît au journal officiel. Les premières mesures vont s'appliquer dans 8 jours, le 1er novembre. D'autres entreront en application en avril 2020, sans oublier ce que le gouvernement a déjà fait voter en 2018, notamment sur le contrôle des chômeurs et chômeuses et les sanctions allant jusqu'à la suppression des indemnités. Certaines mesures ont déjà fait parler d'elles. La première mesure apporte deux changements. Premier changement, les conditions d'attribution de l'indemnisation Pôle emploi. Jusque-là, il fallait avoir travaillé 4 mois au cours des 28 derniers mois pour ouvrir des droits. À partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois. Le gouvernement s'attaque donc aux plus précaires en rendant encore plus difficile l'accès à l'indemnisation Pôle emploi. Dans une note d'impact parue en septembre, l'UNEDIC indique que ce sont les moins de 25 ans qui vont être le plus impactés par cette nouvelle règle. Les mêmes moins de 25 ans qui n'ont même pas le droit au RSA. Pour la première année, ce sont 710 000 personnes qui vont subir cette mesure avec des retards d'ouverture de droits de plus d'un an pour un certain nombre de personnes. Autre remarque, toujours d'après la note d'impact de l'UNEDIC, je cite « En année de croisière, la mesure engendrera des dépenses moindres de l'ordre de 1 milliard d'euros. Sachant que le gouvernement demandait au départ 1 milliard à 1 milliard 3 d'économies par an, on est bien content de savoir qu'en une seule mesure, il a atteint son objectif le plus bas. » Autre changement, toujours en novembre, le rechargement des droits. Il faudra désormais aussi avoir travaillé 6 mois pour obtenir le rechargement de ces droits Pôle emploi. Autant dire qu'il s'agit là de la suppression du rechargement, puisqu'au bout de 6 mois, on peut ouvrir de nouveaux droits, donc le rechargement perd de son intérêt. Comme pour les conditions d'ouverture des droits, ce sont les travailleurs et travailleuses les plus précaires qui seront le plus nombreux à subir ce changement. Bon. Comme après cette mesure, le gouvernement a atteint son objectif en termes d'économie. On se dit qu'il va s'arrêter là. Ben non. Deuxième mesure donc. La modification des règles de calcul du salaire de journalier de référence. Pardon, je la refais, c'était pas très clair. La deuxième mesure, c'est la modification des règles de calcul du salaire journalier de référence. C'est à partir de ce montant que Pôle emploi calcule l'indemnité qu'il va verser. Et bien, à partir d'avril 2020, plusieurs règles de calcul vont changer. Les rémunérations qui vont être prises en compte pour le calcul seront celles des 2 années précédant la fin du contrat, contre celles des 12 derniers mois en ce moment. Et comme ce n'est pas assez désavantageux, la méthode de calcul va changer aussi. Avant, pour calculer le salaire journalier de référence, on prenait ton salaire et on le divisait par le nombre de jours où tu avais travaillé. Logique. Bon, à partir d'avril 2020, les jours non travaillés entre 2 contrats seront aussi comptés dans le nombre de jours par lequel diviser le salaire. Donc par exemple, t'as cumulé tes 6 mois de travail en 1 an. T'es contente, tu vas t'inscrire à Pôle emploi en espérant toucher 6 mois de chômage avec comme base de calcul les salaires de tes 6 mois de taf. Ben non, Pôle emploi va prendre la date de début de ton premier contrat, celle de fin de ton dernier contrat, et va compter combien de jours il y a entre les deux. Donc dans ton cas, tu as travaillé 130 jours sur une période de 260 jours. Pardon. Et bien, au lieu de diviser ton salaire des 6 mois par 130 jours, Pôle emploi va le diviser par 260 et tu vas toucher 2 fois moins. Le gouvernement se veut quand même rassurant, tu vas toucher 2 fois moins, mais pendant 2 fois plus longtemps. Elle est pas belle la vie. D'après l'UNEDIC, cette mesure va concerner 850 000 personnes dès 2020. Et ce sont là aussi les personnes de moins de 25 ans qui vont le plus en subir l'effet. Sachant que ce sont celles déjà qui ont le salaire de référence le plus bas, ça c'est toujours d'après l'UNEDIC, hein, j'invente pas. Cette mesure permet à l'État d'économiser plus d'un milliard par an sur le dos des précaires. Et si vous suivez bien, on est seulement à la deuxième mesure et l'État a déjà doublé ses objectifs d'économie. La troisième mesure, elle concerne la dégressivité des indemnisations les plus élevées. Sont concernées les personnes qui touchaient à partir de 3500 euros net avant d'être au chômage. Les nouvelles règles les concernant entreront en application en novembre et prévoient qu'après 6 mois d'indemnisation, leur allocation va baisser de 30%, sans toutefois descendre en dessous des 2261 euros. L'économie pour les caisses d'assurance chômage est de 160 millions d'euros. La quatrième mesure, elle concerne les démissions et elle entre aussi en application au 1er novembre. Depuis peu de temps, on peut être indemnisé en cas de démission si tenez-vous bien, on a occupé un emploi de manière continue pendant 7 ans. Et aussi, hein, il ne faut pas non plus abuser, ça ne peut pas être la seule condition, si on a un projet réel et sérieux de reconversion ou de création ou reprise d'entreprise. Dans sa grande bonté d'âme, le gouvernement a abaissé la durée d'emploi occupé à 5 ans au lieu de 7. Alors, de quoi se plaint-on ? La cinquième mesure est pour les travailleurs et travailleuses indépendants. Donc là, on se dit, chouette, on pense par exemple à tous les coursiers à vélo qui galèrent. Ben, pour bénéficier d'une allocation chômage en tant que travailleur indépendant, il faudra justifier de plusieurs conditions cumulées, dont avoir été travailleuse indépendante pendant au moins 2 ans, sans interruption, au titre d'une seule et même entreprise, et avoir eu des revenus d'activité d'au moins 10 000 euros par an. Et si jamais tu as la chance d'avoir réussi à cumuler ces critères, tu auras une allocation de 800 euros par mois pendant 6 mois. Et ouais, là aussi, elle est pas belle, la vie. Bon, ça va, il n'y a pas trop de fumée qui sort de tes oreilles. Allez, encore un petit effort et promis, après on fait une pause musicale. Donc je résume. Je résume en fait les mesures de cette réforme chômage. L'ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires, ça c'est à partir du 1er novembre 2019. L'ouverture de l'assurance chômage aux travailleurs indépendants à partir du 1er novembre 2019. La nouvelle règle des nouvelles règles d'éligibilité et de rechargement des droits à partir du 1er novembre 2019. La dégressivité au début du 7e mois pour les salaires supérieurs à 4 500 euros mensuels bruts au 1er novembre 2019 aussi. Et le nouveau mode de calcul de l'indemnisation, ça c'est pour le 1er avril 2020. Donc je le rappelle, l'objectif du gouvernement c'était de faire 1 milliard à 1,3 milliard d'économies par an. Ben avec ces 5 mesures, en additionnant les économies et les coûts évalués par ces mesures, on arrive à 1,790 milliards d'économies dès 2021. En 2022, ce sont plus de 2 milliards d'économies qui sont espérées, sur le dos des précaires bien sûr. Voilà, c'est ça d'avoir un gouvernement en mode Startup Nation. Il se fixe un objectif à 1 milliard et il arrive à 2 milliards. Allez, puisqu'on est dans un monde de winners, où tout se mérite, vous avez bien mérité une petite pause musicale avant d'écouter la suite. Que mes pieds Je n'irai jamais travailler. J'aime. J'aime tellement mon lit. J'y passe tous mes après-midi. J'aime. J'aime tellement mon lit. J'y passe tous mes après-midi. Toujours dans l'émission du magazine Libertaire, comme chaque mercredi midi sur Jet FM, on vient d'écouter Harold, Je n'irai jamais travailler. Et on va continuer encore un petit peu sur la réforme de l'allocation chômage, avec cette fois une mesure qui est passée quasiment inaperçue et qui va commencer à être mise en œuvre, avec une expérimentation dans au moins deux régions au 1er novembre, la Bourgogne-Franche-Comté et le Val-de-Loire, soit dans 14 départements. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ce journal de bord, enfin cette réforme du coup, c'est le journal de bord du demandeur d'emploi. Et ce journal de bord, il est issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui indique dans son article 58 que le maintien sur les listes des demandeurs et demandeuses d'emploi est, je cite, « subordonné au renseignement de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi ». L'idée, c'est qu'au moment de l'actualisation, on est aussi à remplir les démarches qu'on a faite pour retrouver un emploi. Si on ne remplit pas, on est radié et donc on perd ses allocations chômage. Ensuite, si le conseiller Pôle emploi ou un contrôleur Pôle emploi décide que l'on ne cherche pas assez activement de travail, eh ben, c'est la sanction qui tombe. Et ces sanctions, j'en ai parlé en début de chronique, elles sont entrées en application au début de l'année 2019. Pôle emploi dispose depuis du pouvoir de supprimer tout ou partie de l'allocation chômage, là où avant 2019, il fallait saisir le préfet pour obtenir une telle décision. Un rendez-vous Pôle emploi raté, un mois de radiation et donc un mois d'allocation en moins. Un second rendez-vous raté, deux mois de radiation. Et au troisième, c'est 4 mois. Une recherche d'emploi jugée indifférente, deux offres d'emploi refusées, même tarif, sachant qu'il faut un mois après sa réinscription pour pouvoir toucher à nouveau du chômage. Ajoutons à ça l'embauche de 800 contrôleurs supplémentaires chargés de vérifier la recherche active d'emploi pour les chômeuses pour porter leur nombre à 1000 contrôleurs en 2020 et nous sommes peut-être en train de vivre, chers auditeurices, l'accélération de la fin de l'allocation chômage. Et ça m'a donné envie de vous faire écouter un petit son qui nous vient de la fin des années 90. C'était en 1997-1998 et c'était le mouvement des chômeurs et chômeuses en France. On vous laisse écouter ça. Le mouvement est bien une première en France, la colère des chômeurs qui occupe des antennes acédiques. Les manifestations se multiplient et le gouvernement promet maintenant une première série de mesures d'urgence. À Arras, cet après-midi, les chômeurs qui occupent depuis 15 jours l'antenne des acédiques tentent d'entrer en force à la préfecture où se tenait une réunion d'urgence à laquelle ils n'avaient pas été conviés. Partout ailleurs, dans différentes villes de France où les actions se sont multipliées aujourd'hui, la tension n'était toujours pas retombée. Le mot d'ordre des syndicats est de poursuivre la lutte. Comme à Marseille où ce soir, 8 antennes des acédiques sont encore occupées par des chômeurs qui ce matin ont bloqué pendant près de 2 heures la gare Saint-Charles, paralysant le trafic SNCF. À Châtellerault, même type d'action où près d'une centaine de chômeurs ont bloqué durant 3 heures le trafic ferroviaire. Dans de nombreuses villes, les tables rondes se multiplient et des cellules d'urgence se mettent en place pour étudier les cas de détresse extrême. Mais les chômeurs prévoient de poursuivre leur mobilisation toute cette semaine. Pour la troisième semaine, les chômeurs ont multiplié leurs actions. À Montbéliard, ils ont envahi la permanence électorale du Parti Socialiste. Un peu partout en France, les occupations de centres sociaux et d'ACEDIC se poursuivent. Lundi, 18 antennes occupées, alors que vendredi, il y en avait seulement 13. Parfois, ce sont les chômeurs qui, d'eux-mêmes, quittent les locaux, comme ici à Brive. D'autres fois, comme à Limoux, c'est la police qui les évacue. À Arras, ils ont brûlé un mannequin à l'effigie de Nicole Notta, à qui ils reprochent ses déclarations. La présidente de l'UNEDIC a dénoncé dans la presse une manipulation de la détresse par des organisations dont elle conteste la légitimité. Une critique reprise par Marc Blondel qui accuse le gouvernement de traiter directement avec les associations en écartant EFO et la CFDT. Sur le terrain, on se défend d'être manipulé. Personne dirige, nous décidons collectivement. Donc cette affaire de manipulation, c'est purement et simplement pour discréditer le mouvement. Après le défilé des chômeurs qui a rassemblé entre 10 et 20 000 personnes dans les rues de la capitale hier après-midi, certains manifestants se sont invités dans quelques-uns des grands établissements parisiens. Ils ont occupé la brasserie de la Coupole à Montparnasse avant de terminer la nuit au palace Le Lutetia, boulevard Raspail. Damien Thévenot et Philippe Rey. Le relèvement des minima sociaux, oui. À toi pour ceux qui n'ont rien. On veut à bouffer, on crève la dalle et c'est terminé. On ne cédera pas, on est déterminés dans la lutte. La colère et le ras-le-bol des plus démunis. Hier soir, une trentaine de chômeurs ont envahi la Coupole, une grande brasserie parisienne. Leur souhait, manger un vrai repas. C'est le gouvernement. Il y a des gens qui mangent des huîtres du caviar ici. Et qu'il y a des gens que nous, ça fait 7 ans qu'on est dans la galère, qu'on nous écoute pas. Au revoir, monsieur, merci. On en a marre. L'établissement a d'abord proposé aux chômeurs de dîner au sous-sol dans la salle des employés. Refus catégorique. Le directeur vous a proposé 40 repas chauds en bas. Le personnel de la Coupole mange depuis 70 ans. On n'est pas des singes. On n'est pas des singes. Qui a décidé qu'on reste en haut. C'est là où nous mangeons. C'est là où nous mangeons tous les jours. On ne veut pas aller en bas. On y est déjà en bas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille descendre plus bas? On y est déjà. Finalement, après une heure de discussion, la direction leur a offert un dîner au champagne dans la salle principale. Au menu, huîtres et saumon fumé. Pour une vingtaine de chômeurs, la nuit s'est terminée dans le hall d'un grand hôtel, hôtel qu'ils ont quitté sans incident ce matin. On n'entend plus parler que de crise. Plus il y a de lait, plus on crève de faim. Plus il y a de richesse et plus il y a de nuise. Plus il y a d'or, plus il y a de burotin. Il y a trop d'ouvriers, mais faut faire de la cadence et du rendement. Les bourgeois ne pensent plus qu'à la guerre pour liquider le stock des gens. Paraît qu'il y a trop de machines sur terre, trop d'employés, trop de paysans, trop de types qui sont intelligents, trop de jeunesse, trop de bonnes enfants. Mais il n'y a jamais trop de militaires. Il y a trop de tout, il y a trop de tout. Vous croyez que c'est chouette? Il y a trop de tout, il y a trop de tout. Eh bien, pas du tout. Il y a trop de tout, il y a trop de tout. C'est à perdre la tête. Il y a trop de tout, trop d'atouts. Tout partout. Comprenez-moi bien. Il y a trop de tout, il y a trop de tout. C'est pour ça que je n'ai rien. Il y a trop tout. Il y a trop d'auto, mais l'on s'entasse dans les métros et l'autobus. Il y a trop de souliers, mais l'orteil passe dans des croque-notes qui n'en peuvent plus. Il y a trop de charbon, mais on grelotte dans des taudis où ce qu'il fait froid. Il y a trop de maisons, mais d'être ta pote crève sous le banc qui leur sert de toit. Il y a trop de patates, il y a trop de carottes, il y a trop de chaussettes. Et il y a trop de bas, il y a trop de vestons, il y a trop de culottes, il y a trop d'apéritifs de choix. Il y a trop de pinards, on boit de la flotte. Il y a trop de tout, il y a trop de tout. Vous croyez que c'est chouette? Il y a trop de tout, il y a trop de tout. Eh bien pas du tout. Il y a trop de tout, il y a trop de tout. C'est à perdre la tête. Il y a trop de tout, trop d'atouts. Comprenez-moi bien, il y a trop de tout, il y a trop de tout. C'est pour ça que je n'ai rien, il y a trop de tout. On l'on noie, on jette, on casse. Y a trop d'hommes qui ne peuvent plus bouffer. On gaspille comme des dégueulasses. Tout ce qui serait si bon à manger. On cuit le mouton dans la chaux vive. La sardine à l'huile va nager. Le blé devient le pain des locomotives. Et la mer une tasse à café. Les oignons flottent à la dérive. Le lait se transforme en affluent. On ne compte plus tous les fruits qui se perdent. Et comme y a trop d'engrais souvent, on ne sait plus quoi faire de la merde. Y a trop de tout, y a trop de tout. Vous croyez que c'est chouette? Y a trop de tout, y a trop de tout. Eh bien pas du tout. Y a trop de tout, y a trop de tout. C'est à perdre la tête. Y a trop de tout, trop d'atout. Tout partout. Comprenez-moi bien. Y a trop de tout, y a trop de tout. C'est pour ça que je n'ai rien. Y a trop de tout. S'il y a trop de tout, c'est qu'il y a des types qui ne pensent qu'à vous exploiter. Ils ont beau s'en mettre plein les tripes, ils ne pourront pas tout consommer. Ils vont crever sur leur richesse, ou bien vous forcer à crever. Les gaz dissipent la détresse. Quand l'hypérite va, tout va. Eh bien non, prenez les usines, prenez les champs, prenez les mines. Frappez et l'on vous ouvrira. La machine est à vous, les gars. Faites obéir la machine. Y a trop de tout, y a trop de tout. Pas besoin de la guerre. Y a trop de tout, y a trop de tout. Travaillons moins d'heures. Y a trop de tout, y a trop de tout. Augmentons le salaire. Y a trop de tout, trop d'atouts. Tout partout. Fini la vie de chien. Prenons tout, prenons tout. Et tout ira bien. J'aurai tout. Donc, vous êtes toujours dans l'émission du magazine libertaire sur Jet FM, Jet FM 91.2 et jetfm.asso.fr. Donc, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de Vincenzo. Nous avons déjà relayé des appels à rassemblement pour soutenir cette personne il y a quelques semaines. Et là, nous allons consacrer un petit moment avec un son du comité de soutien à Vincenzo. Donc, pour rappeler, je sais si les personnes ne connaissent pas Vincenzo, peut-être des auditeurs n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Vincenzo, c'est une personne qui a été arrêtée le 8 août à Rochefort-en-Terre, où il vit depuis 8 ans. Et son arrestation a eu lieu sous mandat d'arrêt européen. Depuis, il est au centre de détention à côté de Rennes, à Vézin-le-Coquet, pour une procédure de renvoi vers l'Italie. Et ce qui est reproché à Vincenzo, enfin ce que l'État italien reproche à Vincenzo, c'est d'avoir participé à la manifestation contre le G8 à Gênes en 2001 et à une manifestation à Milan en 2006. C'était une manifestation antifasciste qui n'était pas autorisée, alors que justement il y avait ce jour-là une manifestation fasciste qui, elle, avait été autorisée. Donc, pour ces manifestations, en fait, donc le chef d'inculpation est dévastation et saccage. Et Vincenzo a été condamné à 12 mois pour la manif. 12 ans et 6 mois de prison pour la manifestation de Gênes et 4 ans de prison pour la manifestation à Milan. Donc, aussitôt qu'il était arrêté, en fait, il y a un comité de soutien qui s'est mobilisé. Donc, des amis, des proches, des personnes qui connaissent bien Vincenzo. Il y a un important travail de recherche, de documentation qui a été fait, aussi bien sur les périodes concernées, donc à Gênes, les manifestations de Gênes et de Milan, et aussi sur les aspects juridiques, notamment les mandats d'arrêt européens. Donc, en plus du soutien à Vincenzo, donc, qui est incarcéré, ce comité de soutien, en fait, il s'est mobilisé pour rendre publique la situation et pour annuler la procédure de renvoi vers l'Italie, notamment parce qu'en fait, le chef d'inculpation, dévastation et saccage en Italie est issu d'une loi, ce qu'on appelle la loi Rocco, qui est issue du régime fasciste en 1930, et qui fait que, en fait, même si la personne ne participe pas, n'a rien fait, en fait, si seulement le fait de participer à une manifestation où a lieu du saccage, enfin ce qu'on appelle, ce qui est appelé saccage dans la presse, c'est-à-dire des vitrines cassées, du mobilier cassé, tout ça, la personne peut être condamnée donc pour ces faits-là. Nous allons écouter maintenant une émission qui a été réalisée par le comité de soutien à Vincenzo à Rochefort-en-Terre, qui a été diffusée sur timbrefm.fr. Donc timbrefm, c'est une radio locale dans le Morbihan, à Augan, si les personnes connaissent. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission sur timbrefm.fr. Il y a d'autres émissions aussi. Alors juste, cette émission, elle a été réalisée en août, mais il nous semblait important de la diffuser parce qu'elle présente justement le comité de soutien, les faits et le contexte justement de l'arrestation de Vincenzo et de ce qui lui est reproché. Donc l'enregistrement dure 24 minutes à peu près et on se retrouve ensuite. Bonjour, je suis Jean-Baptiste, je suis un ami de Vincenzo. J'habite Rochefort-en-Terre. Dans la vie normale quotidienne, je suis céramiste, mais en ce moment, je suis à fond dans le comité de soutien de Vincenzo. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre, je suis aussi un ami de Vincent, je fais aussi partie du comité de soutien à Vincenzo, qui est un ami aussi pour moi. Je voulais vous présenter un peu tout d'abord le comité de soutien. Pourquoi un comité de soutien ? Quand Vincent a été arrêté par la police le 8 août, il y avait donc 12 policiers en civil qui l'ont arrêté. 12 policiers autant que d'années qu'ils risquent de faire en prison. Nous, c'était un ami sur le territoire et très très rapidement, on s'est réunis à quelques-uns en se disant qu'on ne pouvait pas laisser ça sur silence. Et assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc dès le jeudi soir, on a choisi de prendre un avocat et d'éviter l'avocat d'office pour Vincent. De là, rapidement, on en a parlé dans le village. De 10, on est passé à 20, puis à 70. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 150 personnes sont passées par le comité de soutien. Et là, on est vraiment sur un comité de soutien local, avec des gens du coin qui ont fréquenté Vincent, qui ont connu Vincent. Et je crois que c'est ça qui fait un peu notre force dans notre petit village, c'est qu'on fait en sorte de ne pas vivre isolé et de mettre en place des dynamiques sur notre petit territoire pour qu'il s'y passe des choses, pour accéder à la culture. Alors, pour ce faire, on a un bar associatif, on a créé ou permis indirectement de créer différentes structures autour de nous, une association pour accompagner les porteurs du projet du territoire, des paysans boulangers, des brasseurs, enfin, différentes initiatives qui permettent de créer du travail sur notre territoire rural. Et c'est un peu un territoire expérimental, on travaille là-dessus depuis un certain nombre d'années. Et le comité de soutien s'est fait rapidement aussi, je pense, de ce fait-là. C'était pour vous présenter en quelques mots ce comité de soutien. Maintenant, on vous propose un document fait par notre groupe de communication sur le résumé des faits, sur ce qu'on reproche à notre ami à Vincenzo. Appel à soutien pour la libération de Vincenzo Vecchi. Jeudi 8 août, la police est venue au village de Rochefort-en-Terre pour arrêter notre ami, voisin, camarade Vincenzo. Depuis, il est emprisonné près de Rennes, en attendant que soit étudié son renvoi en Italie. Nous avons découvert qu'il y avait été condamné à 12 ans de prison et qu'il avait quitté son pays et sa famille pour y échapper. Mais pourquoi a-t-il été condamné ? Pour avoir manifesté, en 2001, au contre-sommet du G8 à Gênes, et en 2006, face à un rassemblement fasciste à Milan. À Gênes, 300 000 personnes venues de tout pays ont manifesté pour alerter les dirigeants sur les injustices sociales, les dégâts écologiques et les atteintes aux droits humains qui découlent d'une organisation économique destructrice. 12 ans de prison pour deux manifestations, c'est possible ça ? Eh oui. En Italie, le code Rocco, établi sous le régime fasciste de Mussolini, permet de punir de 8 à 15 ans de prison ferme les personnes présentes sur le lieu d'une manifestation où il y a eu des dégâts matériels. Nous, les membres du comité de soutien à Vincenzo, revendiquons le droit à l'expression libre des pensées, à la légitimité de manifester notre désaccord sans être réprimés et encore moins emprisonnés. Ils veulent envoyer Vincenzo 12 ans en prison pour avoir peut-être produit des dommages à des choses. Mais moi, quand je pense à Gênes en 2001, j'ai plutôt le souvenir d'une grosse répression policière et d'un mort du côté des manifestants. Il n'y a pas un décalage, là ? Effectivement, nous sommes choqués de l'écart entre la prison requise contre 10 manifestants de Gênes et l'amnistie de tous les policiers auteurs de violences extrêmes durant ce contre-sommet. À Gênes, 600 personnes altermondialistes ont été blessées dans la rue par des policiers. Un jeune homme a été tué par un tir de policier. Des dizaines de personnes ont été violentées en pleine nuit au sein d'une école. Elles ont subi et ont été témoins d'humiliations et de mauvais traitements. Ce que la police leur a fait durant 4 jours a été qualifié par Amnesty International de la plus grave atteinte aux droits démocratiques dans un pays occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Cour européenne des droits de l'homme a quant à elle parlé d'actes de torture. Pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher Vincenzo après tant d'années ? Nous n'avons pas toutes les informations pour répondre à ça. Entre la tenue prochaine du G7 à Biarritz, les tensions entre les dirigeants français et italiens. Mais ce qui est certain, c'est que l'extrême droite occupe de plus en plus de place au sein du gouvernement italien et réclame le retour des militants condamnés. Vincenzo a aussi été condamné pour ses actions dans la lutte antifasciste en 2006. Il nous semble évident que l'arrestation et la demande de renvoi en Italie de Vincenzo ont un caractère politique. Et vous, les membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi ? Nous, qui connaissons Vincenzo comme une personne drôle, discrète et chaleureuse, nous refusons qu'il soit renvoyé en Italie et emprisonné pour avoir manifesté il y a 18 ans. Depuis l'arrestation, nous sommes emplis de colère, de tristesse, d'indignation, de peur, de questions, et aussi de force, d'espoir, d'énergie pour agir ensemble, d'envie de le retrouver vite et libre. Pour empêcher le renvoi de Vincenzo, nous voulons informer le maximum de personnes sur les raisons de son arrestation et sur l'injustice qu'elle représente à nos yeux. Nous voulons accueillir votre soutien à Vincenzo. Vous pouvez le faire de différentes manières. En signant la lettre ouverte, accessible sur le site, en rejoignant les actions en cours ou en créant de nouvelles, en relayant les infos, en apportant un soutien financier pour les frais de justice, en affichant votre soutien. Toutes les contributions sont les bienvenues. Une audience a eu lieu le 14. Nous étions 300 devant le tribunal de Rennes pour exiger sa remise en liberté. La décision a été reportée. Il y aura des audiences les 22 et 23 août. D'ici là, soyons nombreux et nombreuses à apporter notre soutien pacifique et déterminé pour obtenir la remise en liberté de Vincenzo. Chaque signature compte. Merci de prendre quelques minutes pour cela. A tout de suite sur le site www.comité-6-soutien-6-vincenzo.org ou sur la page Facebook @soutienvincenzo. Monsieur, distribution des couteaux. Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé. 200 000 francs la télé. Un matin. Dans les cours de promenade. Un matin. Des miradors. Un matin. Psychologue. Un matin. Maintenant, on voudrait vous parler peut-être un peu plus amplement de certains aspects du côté justement judiciaire, entre autres la loi Rocco italienne, quand même une loi assez incroyable. Et aussi, qui était à Milan ? Pourquoi ils ont réagi à Milan par rapport à un groupe qui s'appelle Flamme Tricolore en italien ? Donc je vais laisser Jean-Baptiste vous développer un peu ce point-là. Je pense que Gênes, ça a marqué les esprits, ça a marqué beaucoup les esprits, mais ça a marqué les esprits pendant un moment, parce qu'il faut pas oublier que tout de suite après Gênes, en réalité, il y a eu le septembre 2001 qui a complètement effacé cette moment de forte répression en Italie. Toutes les manifestations qui ont été faites et qui sont faites encore aujourd'hui, en réalité, elles sont continuellement réprimées par l'article de dévastation et saccage. Systématiquement, toutes les manifestations, effectivement, dès qu'il y a la moindre chose, c'est dévastation et saccage. Sans spécifier à l'intérieur, effectivement, de ces troubles, entre guillemets, qui a fait quoi et comment. Ça veut dire que la simple raison d'y être, la simple raison de participer, même identifié par photo, même si on est travisé, même si on est déguisé, même si on a des casques, automatiquement, on est accusé et condamné pour dévastation et saccage. La chose qui relie en réalité les deux manifestations, que ce soit Gênes 2001 et Milan 2006, c'est le fait que tous les deux, elles ont le même chef d'accusation. La condamnation a été faite justement pour dévastation et saccage. Dévastation et saccage, en réalité, ça a été imposé pendant le fascisme. Le fascisme avait besoin de maîtriser la place publique, de maîtriser les manifestations, interdit les manifestations. Elle a introduit en 1930 ce qu'on appelle « Codice Rocco ». Code Rocco. Et cette code Rocco a été plusieurs fois remaniée. En réalité, on n'est plus dans le codice Rocco de 1930. L'esprit reste, mais simplement qu'a été continuellement réactualisé pour réprimer les différents mouvements sociaux et les différentes manifestations. Et le codice Rocco, en réalité, introduit ce qu'on appelle la complicité morale. Ça veut dire, complicité morale, c'est justement ce que je viens de dire, la simple présence à une manifestation et dans lesquelles il peut y avoir des affrontements, dans lesquels il peut y avoir de la casse. À ce moment-là, ben, effectivement, on tombe sur cette dévastation, saccage et complicité morale. Il y a une loi en Italie qui s'appelle la loi Scelba, dans laquelle on interdit toute manifestation fasciste dans les moindres détails. Ça veut dire que, par exemple, faire le salut fasciste est interdit. Faire référence à Mussolini, c'est interdit. Mais effectivement, là, on mesure c'est quoi le climat actuel en Italie, parce que c'était 2006, aujourd'hui, ben, c'est encore pire. On se retrouve dans un climat social dans lequel le fascisme, désormais, est devenu, disons, quotidien. Aujourd'hui, en Italie, on peut trouver, par exemple, de calendriers avec Mussolini. On peut trouver la photo de Mussolini partout. On peut trouver, évidemment, des bouteilles de rouge avec les fiches de Mussolini, et ainsi de suite. Donc, c'était la moindre des choses que quelqu'un comme Vincenzo réagisse à cette forme de on pourrait dire provocation, mais d'aberration même. Voilà. Concernant les condamnations qu'il y a eu en Italie, effectivement, ben, tous les deux, elles sont sous le coup de cette loi. Il y a une chose assez intéressante, parce qu'il y a eu des manifestations, par exemple, à Milan, en 2015, en mai 2015, dans lesquelles c'était des manifestations contre l'expo qui était faite à Milan à cette année-là. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont été dénoncés pour dévastation et saccage. Et un de ces inculpés-là, en réalité, c'est un Grec qui était en Grèce. L'Italie a demandé le mandat d'arrêt européen pour le renvoyer en Italie pour être jugé. Eh bien, la Grèce a refusé cette extradition-là, d'appliquer justement le mandat d'arrêt européen, en disant saccage, dévastation, saccage, complicité morale, ben, on veut savoir qu'est-ce qu'il a fait. Concrètement. Et effectivement, il n'avait pas fait grand-chose, sauf effectivement participer à cette manifestation. Voilà, c'est un climat assez dangereux. Ça veut dire que l'Italie a toujours adapté les lois. En réalité, l'Italie n'a jamais vraiment rompu avec le fascisme. Le problème de fond, il est là. Ça veut dire qu'après la résistance, effectivement, ben, on a changé quelques noms. On a pendu haut et fort Mussolini parce qu'il fallait le faire. Mais de fait, fait, ben, les policiers sont restés les mêmes, les patrons sont restés les mêmes, les dirigeants sont restés les mêmes. Et surtout, on n'a pas fait le deuil et la critique du fascisme. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation fascisante et qui est extrêmement dangereuse. Tout ce que vient de nous dire Jean-Baptiste, là, on peut le retrouver sur notre site. comité-soutien-vincenzo.org. Beaucoup de nos amis ont été cherchés, fouillés sur Internet. On a des amis italiens qui nous en ont fait parvenir. Et c'est assez intéressant. Vous allez voir, si vous allez sur ce site, vous allez pouvoir voir ou des vidéos ou des articles assez intéressants. On les a traduits en partie. L'aspect de traduction, on continue à y travailler. On n'est pas des spécialistes, mais je vous invite à aller sur ce site. Vous allez avoir beaucoup de matière si vous voulez comprendre mieux les enjeux de toute cette histoire. Alors donc, pourquoi on se mobilise sur cette question-là? Alors nous, on se mobilise de différentes façons. On se mobilise sur notre petit territoire de Rochefort-en-Terre, mais on se mobilise aussi partout en Bretagne. On a activé nos réseaux, nous, parce que voilà, on veut vraiment que cette histoire ne soit pas sous silence, ce qu'elle a été au départ. Moi, le premier appel que j'ai eu de l'AFP, il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Ça faisait déjà plus de 48 heures qu'il était arrêté. Personne n'avait eu vent de rien et c'est nous qui avons un peu déclenché ce bruit pour taire ce silence. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est empêcher l'extradition. Je pense que d'avoir pris un avocat dans la nuit de jeudi, ça a peut-être freiné l'extradition. D'avoir communiqué, ça a peut-être empêché l'extradition. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, les peines qu'il a eues en Italie sont irrévocables. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera en Italie, il les fera, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, nous, on ne veut pas qu'il quitte la France. On fait tout pour pas qu'il quitte la France. On sait qu'on a devant nous 60 jours, ça va être très court. On continue un peu de tous les côtés à chercher des solutions à ça. Et d'ailleurs, on appelle tous ceux qui peuvent nous aider à empêcher cette extradition, à vraiment nous aider à le faire, parce que je pense que là-bas, il n'y aura pas de cadeau. Je pense que là-bas, ça sera un trophée pour Salvini, il y a des grandes chances. Et nous, c'est ce qu'on veut empêcher à tout prix. Alors on essaye de façon judiciaire, on essaie par la mobilisation, par la sollicitation à des intellectuels, à des personnalités. On veut vraiment faire du bruit autour de cette histoire. On ne veut surtout pas se reprocher de ne pas avoir fait les choses. On se mobilise avant tout pour un ami. Ceci dit, on a aussi des idées, quoi qu'il arrive. On continue à employer le terme extradition, qui est d'un point de vue purement, disons, judiciaire, c'est pas le mot correct, mais on l'emploie, on continue à l'employer parce que justement c'est parlant pour tout le monde. En réalité, il y a eu une évolution ces dernières années. On essaie de créer un espace juridique européen dans lequel, après la libre circulation des marchandises, ben, il y a aussi la libre circulation des personnes recherchées. Et le passage qu'il y a eu entre l'extradition et le mandat d'arrêt européen, pendant l'extradition, on pouvait contester le caractère politique, par exemple, de la peine. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et le mandat européen, mandat d'arrêt européen, en réalité, accélère un peu, d'une façon un peu plus expéditive. Mais il y a quand même un certain nombre de points. Ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait fini. Il est encore en construction. Il y a encore des failles. Et c'est dans cette faille-là qu'on essaye vraiment de mettre les doigts, de rentrer dedans. Les avocats, ils sont entrés à travailler à plein régime autour de ça. C'est pas inéluctable. Ça veut dire qu'effectivement, le mandat d'arrêt européen, il essaye de faciliter le renvoi, mais il y a encore des failles sur lesquelles on peut s'appuyer. Quand on a lancé la bouteille à la mer, comme on dit, le premier communiqué, la chose était censée passer sous silence. Ça veut dire que là, c'était un paquet cadeau pour l'Italie qui nous l'a envoyé. C'est pour ça qu'on a fait du bruit. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé. Pour accompagner tout ça, c'est vrai qu'on a produit pas mal d'outils, des communiqués de presse, beaucoup. Là, on a une lettre ouverte. Ça nous semble important de faire feu de tout bois. Là, on vient hier soir de lancer une pétition en ligne que vous pouvez trouver sur change.org ou change.org. Cette pétition en ligne, vous pouvez aussi en télécharger le texte sur notre site, toujours, et ne pas hésiter à le faire circuler le plus largement possible. Nous, ce qu'on veut, c'est mobiliser le maximum de personnes derrière cette histoire, de créer un rapport de force. Pour peut-être mieux comprendre cette pétition en ligne, on vous propose un petit document sonore, assez court, hein, mais qui explique un peu le pourquoi et le comment de tout ça. Liberté pour Vincenzo Vecchi. Nous, membres hétéroclites du comité de soutien à Vincenzo, nous nous adressons à vous toutes et tous. Jeudi 8 août, Vincenzo, qui vit depuis 8 ans à Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, est arrêté par la police. Son arrestation a lieu sous mandat d'arrêt européen pour des faits qui remontent à la manifestation contre le G8 à Gênes en 2001 et à une manifestation antifasciste non autorisée à Milan en 2006. Vincenzo a été condamné sur la base du Code Rocco, introduit en 1930 dans la loi italienne sous Mussolini. Le texte permet, au nom de la notion de concours moral, de sanctionner la simple présence à des manifestations considérées comme insurrectionnelles sans preuve factuelle. C'est sur la base de cette loi que Vincenzo et 9 autres militants baptisés les 10 de Gênes ont écopé de peines très lourdes, allant de 6 ans à 15 ans de prison. En 2006, à Milan, une manifestation organisée par le parti politique d'extrême droite Fiamma Tricolore est autorisée. Pourtant, selon la loi Scelba, cette manifestation aurait dû être interdite pour apologie du fascisme. En revanche, la contre-manifestation, elle, n'est pas autorisée. Ce qui lui est reproché, 2 manifestations où il y a eu destruction de biens matériels. Est-ce que cela vaut 12 ans et 6 mois de prison ? À la manifestation de Gênes, la répression policière fut condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour des traitements assimilables à des actes de torture. Selon Amnesty International, il s'agit de la plus grave atteinte aux droits démocratiques dans un pays occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gênes fut pourtant le terrain de lutte, de revendications économiques et écologiques qui aujourd'hui font largement consensus, précipitées par la crainte d'une catastrophe climatique et humaine. Ni prison, ni extradition. Libérez Vincenzo. Exigeons sa libération. Choisissez votre mode d'action. Écrivez, racontez, diffusez, interpellez. Écrivez-le partout et signez cette pétition. On a mis aussi un autre outil en place, des comités de soutien. En fait, nous, on est beaucoup de militants associatifs. On n'est pas enfermés dans notre petit territoire. On a beaucoup de contacts autour de nous. Et ça nous semblait important de commencer à construire une toile d'araignée autour de cette histoire au fur et à mesure de l'information. Et donc, on a choisi aussi ce mode d'action, c'est d'inciter, d'impulser des comités de soutien. Alors dans un premier temps dans nos villes bretonnes, parce que bon, nos réseaux sont beaucoup là, mais pas seulement. Hein. On a aussi des réseaux de chorales, des choses de ce type. Et par exemple, on a une chorale qui est dans un réseau européen de chorales. Et on fait, comme je vous disais, feu de tout bois. Et ces comités de soutien nous permettent un relais local, mais aussi en France. On a déjà des bons retours de la France, de certaines régions de France, qui s'apprêtent à mettre en place ces comités de soutien. Toujours dans l'idée de faire du bruit, de ne pas laisser les choses sous silence, en faisant monter la sauce et en espérant que petit à petit, tout ça prendra forme. Et ce rapport de force dont je parlais tout à l'heure s'exercera vraiment. Quand on a lancé la bouteille à la mer, comme on continue à dire, cette communiqué de presse pour alerter effectivement qu'il y avait un danger, qu'il y avait un problème, on a été surpris nous-mêmes de la réaction de nos voisins, des réactions de nos proches, des réactions des gens du village, des réactions des gens du territoire, réactions extrêmement positives. En réalité, on a réussi à faire quelque chose de vraiment formidable, dans le sens que on a réussi à mettre en commun tout notre savoir-faire, toute notre intelligence. On a créé vraiment un mouvement, on a créé quelque chose qui nous dépasse complètement et tant mieux. Mais on a réfléchi aussi beaucoup pour quelles raisons autant de gens, ils s'étaient identifiés, ils étaient, disons, touchés par cette histoire. Et on a trouvé quand même 2 pistes possibles, évidemment liées au personnage de Vincenzo, quelqu'un qui effectivement s'est intégré, mais intégré d'une façon active dans notre façon un peu, effectivement, Jean-Pierre le disait avant, un peu expérimentale, un peu différente de beaucoup d'attention à l'autre. Il s'est parfaitement intégré, il s'est fondu avec nous en réalité. Il est de quelqu'un d'entre nous. Et cette histoire-là a touché énormément de gens. Mais je pense aussi que l'aspect plus, disons, politique de la chose. Il était quand même condamné en Italie pour deux manifestations avec dévastation et saccage. Je pense que la plupart d'entre nous, ils se sont immédiatement identifiés à lui parce que beaucoup d'entre nous, ils ont participé aux manifestations contre l'aéroport. Ils ont participé aux manifestations ZAD. Certaines, ils ont participé aux Gilets jaunes. Et on a vu aujourd'hui que la répression en France, elle s'est durcie. En France aussi, effectivement, les outils répressifs de la police, mais judiciaire, ils commencent aussi à se mettre en place. Ça veut dire que, en réalité, tous les gens qu'on connaît, ils ont dit, oui, il était effectivement à Gênes, oui, il était à Milan, mais nous aussi, on était dans des situations similaires, il n'y a pas si longtemps que ça, et nous aussi, on aurait pu tomber comme lui, à sa place. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, que les gens, ils ont senti, quelque chose d'extrêmement profond. C'est pour ça qu'on continue à revendiquer comme ami, mais on les revendique aussi comme compagnon de route, compagnon de lutte, compagnon d'expérience de vie. Effectivement, je pense qu'on est dans une période dans laquelle, je ne dis pas qu'on va rentrer en résistance, parce que c'est un mot un peu galvaudé, mais dans laquelle il faudra s'habituer à exprimer notre être, à exprimer notre façon de vivre, à exprimer ce qu'on est profondément, à l'exprimer, commencer à l'exprimer peut-être différemment et peut-être aussi d'une façon beaucoup plus profonde. Oui, donc vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM. Nous venons d'entendre un enregistrement donc, d'une émission réalisée par le comité de soutien à Vincenzo en août dernier, peu de temps après l'arrestation de Vincenzo. Cet enregistrement, vous pouvez le retrouver sur timbrefm.fr. Donc c'est une radio qui est à Augan, dans le 56. Et je voulais revenir, alors, dans l'enregistrement, à la fin de l'enregistrement, après, il parle d'une pétition, des moyens donc, qu'ils avaient, que le comité de soutien a mis en place. On entend justement un autre enregistrement qui reprend, en fait, tous les faits qui ont déjà été énoncés avant. Donc, c'était une volonté en fait de le laisser donc dans l'émission parce que c'est un enregistrement qui est fait justement pour être pris et diffusé pour alerter les gens, la population et diffusé sur d'autres radios. Je voulais juste dire ça. Et puis. Du coup, cet enregistrement a été, donc, comme je l'ai dit, réalisé au mois d'août. Et depuis, donc, il y a eu plusieurs comités de soutien qui sont créés en France et en Italie aussi. Depuis, une demande de liberté sous surveillance électronique a été faite. Elle a été refusée fin septembre. Et le comité de soutien a pu prouver que le mandat d'arrêt donc pour la condamnation relative à la manifestation antifasciste de Milan en 2006 était illégal et mensonger, car Vincenzo a déjà effectué cette peine. Et vous pouvez retrouver ce décret qui est téléchargeable sur le site du comité de soutien. Comité de soutien, je vous redonne l'adresse comité-soutien-vincenzo.org. Vous pouvez retrouver donc l'information qui dit que Vincenzo a déjà effectué sa peine pour son arrestation suite à son arrestation à Milan. Le comité de soutien a également démontré que le mandat d'arrêt européen pour la manifestation contre le G8 à Gênes en 2001 est incomplet et non conforme à la loi. La Cour d'appel de Rennes a d'ailleurs demandé un complément d'information à la justice italienne fin août. Et la justice italienne avait jusqu'au 10 octobre pour envoyer donc ce complément d'information. Elle a effectivement envoyé des pièces juste dans les dernières heures avant l'expiration du délai. Pour l'instant, nous, on n'a pas d'informations justement sur ce qui a été envoyé. On ne peut pas vous en dire plus.

parfaitement. Oui, vous êtes dans le magazine libertaire, toujours sur JetFM 91.2. Alors, on vient de parler de Vincenzo. Je voulais rappeler l'adresse du comité de soutien, qui est comité-soutien-vincenzo.org. Et je vous invite à aller sur ce site, parce qu'il y a beaucoup, plein d'informations très intéressantes sur, sur les manifestations, déjà, qui ont eu lieu à Gênes et à Milan, sur les mandats d'arrêt européens aussi. Beaucoup d'informations. Voilà, je vous invite à aller voir ce site. Et je rappelle qu'aujourd'hui, à 18h30, il y a un rassemblement en soutien à Vincenzo à 18h30 devant le tribunal. Donc, nous allons passer aux annonces. Aujourd'hui, à 19h, donc mercredi 23 octobre, il y a une soirée No Google à La Dérive, 1 rue du Gay-Robert à Nantes. Google propose désormais des ateliers informatiques gratuits dans plusieurs grandes villes de France. Nous vous proposons un temps d'information et discussion autour de Google qui espionne nos vies et revend nos données et quels outils alternatifs peuvent être utilisés au quotidien. Nous terminerons par un temps d'échange avec vous toutes et vous tous pour répondre à vos questions. Donc c'est aujourd'hui de 19h à 21h à La Dérive, 1 rue du Gay-Robert à Nantes. L'annonce suivante, c'est le jeudi 24 octobre 2019, bien sûr, à 19h. Et il s'agit d'une soirée d'information sur le campement Jeanne-Bernard. Donc il s'agit du gymnase de Saint-Herblain, dont on a déjà parlé il y a 15 jours. Et cette soirée d'information, elle aura pour but de faire le point sur la situation au gymnase suite à l'évacuation partielle du site mardi 8 octobre. Donc cette évacuation dont on avait parlé aussi sur cette antenne. L'idée c'est de savoir ce qui se passe, qui a été emmené au centre de rétention, où sont parties les familles qui ont été évacuées et qu'est-ce qui va se passer désormais. C'est au bar Mon Oncle, 16 rue d'Alger à Nantes, et je redis, c'est jeudi 24 octobre à 19h au bar Mon Oncle à Nantes. Samedi 26 octobre, à partir de 11h, il y a un rassemblement contre les violences policières à Vannes. Le rendez-vous est à 11h, donc porte Saint-Vincent, c'est en face du port à Vannes. Elle appelle du groupe René Lochu. Il y aura des prises de parole publiques et un texte sera diffusé. Je peux vous lire le texte qui sera diffusé. Violences policières, ni oubli, ni pardon. Le 25 octobre, cela fait 5 ans que Rémi Fraisse a été tué par une grenade offensive de la gendarmerie sur la ZAD de Sivens, dans le Tarn. La mort de Rémi faisait suite à une journée de rassemblement festif durant laquelle les opposantes à la construction d'un barrage destiné à l'agriculture intensive protestaient contre la destruction de 48 hectares d'espaces naturels, dont 29 hectares de zones humides. Depuis, la justice a déclaré les travaux du barrage illégaux, donnant raison aux militants et à Rémi, 3 points de suspension. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, déclara qu'il ne s'agissait pas d'une bavure et les gendarmes bénéficiaient d'un non-lieu. La France est le seul pays européen à utiliser des munitions explosives lors de la répression des manifestations. Les fabricants de telles armes mutilantes et parfois mortelles, destinées à la répression intérieure, ont pignon sur rue en Bretagne, notamment à Redcore à Lanester avec les lanceurs des balles, les LBD, et à Nobel Sport à Pont-de-Buis, dans le Finistère, pour les grenades. Les manifestations sociales, écologistes et les quartiers populaires sont les principales cibles de leur usage par la police. Parfois même les fêtes populaires, comme celle de la musique à Nantes en juin dernier. Tout ce qui dérange le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Cette utilisation massive a aussi une dimension mercantile. Le maintien de l'ordre à la française est exporté même vers des pays peu vertueux en matière de droits de l'homme. L'État s'acharne sur les militants des luttes contre les projets inutiles, comme sur tous les fronts qui représentent une menace au système capitaliste, bafouant tout ce qui pourrait faire obstacle au marché, y compris loi et démocratie. Les militants, militantes sont criminalisés et les violences policières banalisées. Au niveau européen, les États s'entraident pour poursuivre les contestataires. Ainsi, donc on vient d'en parler, Vincenzo Vecchi, peintre en bâtiment, militant anticapitaliste et antifasciste italien, a été arrêté à Rochefort-en-Terre, là où il vit depuis plusieurs années en août dernier. à la demande de l'État italien, pour participation à des manifestations. La peur est une arme que le pouvoir agite pour diviser, démobiliser, annihiler, critique ou questionnement et désactiver toute aspiration à un monde meilleur. N'oublions pas Rémi ni les autres, ne cédons pas aux intimidations. Résistance et solidarité. Donc c'est samedi à partir de 11h en face du port de Saint-Vincent, en face du port à Vannes. Toujours samedi, donc le 26 octobre, à 15h, Square Davier à Nantes, il y a une manif « Personne à la rue ». Je vais vous lire le papier. Près de 150 000 personnes sont sans domicile fixe en France. Enfants, familles, femmes, malades et beaucoup d'hommes dorment dehors, sous les ponts, dans des squats, des bidonvilles, leurs voitures. À Nantes, il a été interdit aux plus vulnérables de se réfugier la nuit dans le hall des urgences du CHU. Tant d'êtres humains dehors, quand tant de bâtiments sont vides. Bien cachés sur notre territoire, des personnes sans domicile fixe survivent entre rues, cartons et haltes de nuit. Des personnes d'Europe de l'Est, Rome ou considérées comme telles sont expulsées de bidonvilles insalubres sans solution de relogement. Des centaines d'exilés fuyant les persécutions ou une pauvreté extrême dans leur pays sont laissés aussi à un sort indigne. Dans un gymnase insalubre de Saint-Herblain, des exilés survivaient depuis un an. Le 8 octobre, la préfecture vient de commencer l'évacuation de ces personnes en fonction de leur statut, âge, sexe et état de santé, loin du respect des droits humains et de la loi française concernant l'inconditionnalité de leur accueil. Combien faudra-t-il de drames humains pour que la préfecture et l'État agissent en toute responsabilité ? Car c'est à l'État qu'incombe de mettre à l'abri toute personne en détresse et les demandeurs d'asile dans des centres d'hébergement spécialisés. Dans le même temps, le mal logement s'accentue. Trouver une location est devenu un parcours du combattant pour le plus grand nombre. Rendons effectif le droit fondamental pour chaque personne à un hébergement digne, à la nourriture, à l'accès aux soins et à l'éducation. Agissons auprès de nos élus, États, mairies, départements, régions, pour qu'ils transmettent le recensement des bâtiments publics et privés vides et qu'ils permettent d'œuvrer avec l'ensemble des acteurs de l'hébergement à l'hébergement pour tous. Aujourd'hui, nous, citoyens, associations, organisations, collectifs, demandons de faire appliquer la loi concernant l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. C'est deux articles de loi et du Code de l'action sociale et des familles. Donc c'est, je redis, une manif personne à la rue, c'est le samedi 26 octobre 2019 à 15h, Square Davier. Mercredi 30 octobre à 19h, il y a la permanence des dévoreuses à Pollen, 11 rue des Olivettes. Ça y est, c'est l'automne qui commence, les feuilles rougissent, le vent souffle. J'ai changé de couette et le monde est toujours debout et plus terrifiant que jamais. Mais au moins, il y a la permanence d'octobre qui aura lieu le mercredi 30 à Pollen. Des romans féministes, des ouvrages militantes, des livres sur les sorcières, les expériences des travailleurs, travailleuses du sexe, des femmes racisées, des BD, la bibliothèque féministe, de l'assaut, la trousse à outils et plein de trésors à découvrir. Venez nous voir et empruntez des livres. Si vous avez des livres jeunesse, contes, BD, etc., et qui vous semblent pertinents de confier en prêt ou de donner à la bibliothèque, nous serons ravis d'y jeter un œil. Nous souhaitons constituer progressivement un réel fonds d'emprunt de qualité destiné au jeune public. Et bien sûr, le petit coin pour les enfants vous attend avec des crayons et des livres. Sinon, on peut toujours lire, parler de nos lectures, rencontrer des gens sympas, emprunter ou rendre des livres. Le tout autour d'un goûter entrée vegan. On vous y attend nombreuses. Donc c'est mercredi à 19h à Pollen. Et on va finir avec les annonces radio. Alors moi je voulais annoncer la chronique Bâtir aussi qui passe tous les vendredis à 9h45 sur Jet FM. Bâtir aussi, c'est un bouquin de nouvelles qui se déroule en 2021, soit 10 ans après qu'un mouvement se soit développé au niveau mondial, après les printemps arabes de 2011. Donc c'est une série de nouvelles qu'on peut lire dans le désordre, tout à la suite et tout. Donc c'est un bouquin. Et du coup, ce bouquin, il a été mis en son et ça passe tous les vendredis à 9h45 sur Jet FM. J'en profite aussi pour faire une petite pub à l'émission Dégenrée à Grenoble. C'est une émission féministe qu'on peut écouter de 16h à 17h30 chaque mardi sur Radio Campus. Et j'avais envie de leur faire cette petite pub parce qu'après avoir été évincée de Radio Kaléidoscope à Grenoble, bah, j'avais peur qu'on puisse plus les entendre. Et en fait, si on peut continuer à les entendre, donc tous les mardis sur Radio Campus. Et si vous nous écoutez de Grenoble, bah, vous pouvez retrouver Radio Campus sur votre radio FM. Et si vous écoutez de ailleurs, et bah, vous pouvez retrouver Radio Campus sur Internet. Voilà, on fait un petit morceau, on se passe un petit morceau de musique et après on va se dire au revoir. À tous les flics de France! Toi le flic plein de ferraille, tu gagnes rien, tu t'as la mitraille à couvrir derrière la racaille et tu t'écrases. Ouais toi le flic au bleu s'habille, tu rentres à peine sous ton képi, à tous les gamins qui ont ri et tu t'écrases. Toi le flic sous la paperasse, la hiérarchie est à ta place. Il te reste plus que la vie, n'a cessé de t'écrase. Alors tu tapes le monde, tu tapes le monde. Il te reste plus que moi de la masse et tu m'écrases. Policier, c'est pas un métier facile. Policier, c'est pas un métier. Policier, c'est pas un métier facile, non. Oui, donc vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM et c'est l'heure de se quitter. On vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, midi 5. Sur Jet FM 91.2 à Nantes, jetfm.fr partout ailleurs. Et vous pouvez écouter nos podcasts et dire à vos potes d'écouter nos podcasts sur Maglib, M-A-G-L-I-B. noblogs.org. Donc on se dit à la semaine prochaine, passez une bonne semaine et voilà. Salut. Au revoir.